voilà, voilà, voilà, voilà, un jour de moins. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le béton, le bitume, le goudron. Au bistrot du square, bistrot du square, un dénommé Paul, dénommé Paul, a fait craquer le bar, craquer le bar, avec Jelly Roll, Jelly Roll, ça fait que le facteur, le facteur, a eu le coup au cœur, le coup au cœur, le pistolet bien laid, la mort par la pétoire, pas pour ce soir, pas pour ce soir, voilà, voilà. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le béton, le bitume, le goudron. Jean Durand le beau, Durand le beau, rentrait de la mine, de la mine, droit sur sa moto, sur sa moto, fort de sa belle mine. J'en fais attention, fais attention. Il a pas vu le camion, pas vu le camion. Ses deux jambes sous son bras, la rue noyée de sang. C'est pas marrant pour les enfants. Voilà, voilà, un jour de moins. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le béton, le bitume, le goudron. Elle parle à tout vent, ses amis s'en vont, amis s'en vont, lassés ses amants, ses amants, ne l'enlace plus autant, plus autant, même son charal, son charal, et se fait la malle, se fait la malle, la corde à ton petit cou, lise saute catin, c'était ce matin. C'était ce matin, voilà, voilà, un jour de moins. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le béton, le bitume, le goudron. 40 mineurs, 40 mineurs, au fond de la grotte, feront pas tout à l'heure, tout à l'heure, chez eux leur belote, leur belote. Le président Kitsch, président Kitsch, ce soir fait un bridge, un bridge. Quand à tirer les cartes fallait choisir le roi. Tant pis pour toi, tant pis pour toi. Voilà, voilà, un jour de moins. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le béton, le bitume, le bidon. Sans prison brisée, prison brisée, misère au panier, au panier, liberté gagnée, liberté gagnée, bonheur à souhait, amour de printemps, de printemps, guérison beau temps, beau temps. Il a raconté ça, le peint à son étoile, c'est sur sa toile, c'est sur sa toile. Voilà, voilà, un jour de moins. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le béton, le bitume, le goudron. Voilà, voilà, un jour de moins. Dans le ketchup et la tomate, le vieux soleil en automate, dégouline sur le